soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre quand on regarde la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone pour lui pâté de maison comme un vieux livre c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guaira, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignons ce jeudi 13 juin 2024, dernier rendez-vous direct de cette semaine, des mots, des sons sensibles, l'actualité politique, sociale et culturelle à suivre. Alors vous le savez, nous subissons quelques problèmes techniques depuis quelques jours, depuis ce dimanche passé qui perturbe fortement l'hertzien, c'est-à-dire la bande FM et le 89.5. Alors vous nous suivez peut-être via cette fréquence et résistez, écoutez en effet le 89.5 de la bande FM pour peut-être nous aider à stabiliser la fréquence. Les choses sont en cours de règlement, mais vous pouvez également nous suivre bien entendu via la toile et le stream en direct via notre site www.radioaudio.org. Comme vient de l'indiquer l'indicatif précisément à l'instant, des mots, des sons sensibles, donc l'actualité autour d'un événement qui se déroule cette semaine est plutôt bienvenue d'ailleurs. Alors que l'on connaît ce coup de massue reçu ce dimanche passé, au-delà de nos perturbations techniques, drôle de coïncidence néanmoins, nous allons parler de langue et d'identité avec Nadia Chouyeb qui est avec nous. Nadia, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le 895 de Dio. Merci. Presque un grand retour. Oui. Cela faisait bien quelques années, presque deux décennies que nous nous étions croisés. On va tout de suite camper le décor et préciser que tu as tout de même sévi sur cette antenne. Il y a quelques temps de cela, c'était fin des années 90, quasiment à cette même place, ce même micro et même fonction, hein, en tant que journaliste sur l'antenne du 895 de Dio. Et puis tu es parti pour d'autres aventures. Et celle que tu mènes actuellement et dont nous allons parler aujourd'hui. Projet Raconter ses langues et ses identités, c'est un projet que tu suis activement sur un établissement scolaire stéphanois, l'école Gaspard Monge, qui est située, rappelle le secteur de cette école stéphanoise. Alors c'est à côté de la rue de la Monta, c'est l'école qui accueille tous les élèves qui sont à côté du quartier de Château-Creux. En gros, pour situer un petit peu rapidement la population, des chiffres qui m'ont été donnés, 90% des élèves sont d'origine étrangère. Beaucoup de primo-arrivants, beaucoup d'histoires à accueillir dans cette école, beaucoup d'exilés qui ont fui les guerres avec leurs parents. Quelques sans-papiers, quelques familles qui n'ont pas de logement, justement, et dont on accueille les enfants dans cette école. Donc une équipe d'enseignants très active, impressionnante dans leur activité, et que j'ai le plaisir d'accompagner donc, sur ce projet qu'on a monté. Qui s'appelle effectivement Raconter ses langues et ses identités. C'est un projet financé par l'Union européenne en Erasmus+, et qui s'est déroulé sur toute cette année scolaire. Et oui, toute cette année scolaire 2023-2024, une école et une équipe enseignante, parents d'élèves, accueillantes en effet. On a aussi eu l'occasion de relayer à plusieurs reprises sur cette antenne les actions de solidarité notamment qui ont pu être menées sur cet établissement. Et alors c'est une semaine un peu forte, hein, dans le cadre de ce projet, puisque depuis lundi, vous accueillez sur l'école précisément toute une équipe enseignante correspondante finalement du côté de l'Italie. Et donc l'équipe enseignante italienne est ici en France et depuis lundi se déroule toute une semaine particulière autour de cette question d'identité et de langue avec tout un programme en place depuis lundi qui va se boucler demain. On va revenir un petit peu sur le programme attendu encore cette fin de semaine et tu interviens donc précisément dans le cadre de ce projet au travers d'ateliers que tu mènes sur les questions d'identité au travers du sensible. C'est un petit peu ton axe de travail et d'intervention que tu as pu présenter d'ailleurs lors d'une sorte de journée séminaire hier toute la journée à l'INSPE rue de la Richelandière et puis donc encore d'autres temps attendus cet après-midi au cinéma Méliès Saint-François, une exposition que tu as mise en place et puis rendez-vous à nouveau sur ce même cinéma demain avant un grand repas international qui est prévu demain soir pour boucler cette grande semaine. On va évoquer tout cela et le présenter en long, large et travers. Merci Nadia en tout cas d'être avec nous. Plaisir de te recevoir à nouveau sur le 89.5. Ce sera l'essentiel menu contenu de ce programme aujourd'hui avec quelques infos tout de même à relayer et transmettre en début de programme car l'actualité est aussi chargée cette fin de semaine. Et puis, bien entendu, quelques propositions musicales à vous faire part et on va démarrer de suite avec notre règle d'or, celle de vous proposer nos découvertes et artistes albums partenaires Ferrarock chaque semaine. Vous le savez, double proposition. On va s'arrêter à nouveau sur ce nouvel album et troisième album du duo Sages comme des Sauvages qui est sorti le 7 juin dernier chez Capitaine Records. L'album s'intitule Maison Maquis. Ce sont des bêtes de scène, ça on peut le dire, quoique je fus assez déçu de leur prestation sur le dernier festival Parole et Musique. En tout cas, l'album est plutôt réussi et beaucoup plus efficace et je dirais plus fin ou plus subtil pour ce duo qui est alors justement très, comment dire, multiple, puisque c'est un duo franco-américano-gréco-corso-bruxellois qui est composé d'Ava Carrère et d'Ismaël Colombani. Elle est plasticienne, polyglotte, musicienne, autodidacte. Lui est violoniste de formation, polyinstrumentiste. Elle vient du milieu cosmopolite du cabaret berlinois. Lui vient plutôt des musiques plus peut-être expérimentale et compose pour la scène. Ils ont bon nombre d'invités sur cet album, le collectif de néo-folk occitan San Salvador. Il y a également, dû à une tournée au Zimbabwe, une rencontre avec les artistes Stimmy Stimela et Blessing Chimanga qui sont donc invités aussi au sein de cet album. Donc cela reflète tout à fait notre sujet du jour. Autre illustration précisément, puisqu'ils sont et ont invité à la fête Sofiane Saïdi, le prince du rail 2.0 que je vous propose donc de découvrir en ouverture de ce programme. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Ya mi ya mi ya mi tour qui tieni pa tu, che a pandana me sa cardu l'amu, o perché nai me di chissu. Un extrait de ce nouvel album Maison Maquis du duo Sage comme des Sauvages qui invite sur ce titre-là Sofiane Saïdi. L'album est sorti le 7 juin dernier via Captain Records. C'est un partenariat Ferrarock toute cette semaine aux côtés d'Isadora. L'autre album Sink or Swim en découverte et partenariat cette semaine. Vous en saurez davantage bien sûr en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org ou en écoutant le programme hebdomadaire mutualisé et collectif Dig Dig Diggers pour cette 24e semaine 2024. Un Dig Dig Diggers à retrouver ce vendredi sur notre antenne 12h-19h lundi en matinale dès 8h avec précisément une interview réalisée par Radioactive auprès d'Isadora. Sage comme des Sauvages a été interviewé par Morgane de Radioactive, de Radio Primitive, pardon. Et puis vous retrouvez un petit module surprise et découverte avec Radio Pulse qui a réalisé un petit focus et module sur les 30 ans de la SMAC La Luciole. Plus d'infos donc, je vous le disais, sur ces découvertes, albums partenaires et toute l'actualité Ferrarock, www.ferrarock.org. Quelques infos à vous faire part en toute ouverture de ce programme, avec l'actualité politique notamment. Hier soir se réunissait l'intersyndicale sur la Loire et sur Saint-Étienne et organise des manifestations cette fin de semaine pour des alternatives de progrès pour le monde du travail. Tout cela bien sûr en résonance avec le résultat électoral de ce dimanche passé. Les organisations syndicales alertent depuis longtemps sur la crise sociale et démocratique qui traverse notre pays et qui s'est véritablement manifesté encore à l'issue de ce score de l'extrême droite ce dimanche. Alors précisément, mobilisation nouvelle cette fin de semaine contre la réforme des retraites, l'absence de perspective de progrès et banalisation des thèses racistes qui constituent le terreau sur lequel l'extrême droite prospère. Manifestation donc lancée par l'intersyndicale CFDT Loire, Haute-Loire, la CGT Loire, FSU, UNSA, Solidaire, la CNT également, avec donc manifestation prévu sur le nord du département. Ce sera ce vendredi 14 juin à 18h à Roanne, Square des Martyrs, en direction de la sous-préfecture. Et puis manifestation et rendez-vous à Saint-Étienne, ce sera ce samedi 15 juin, rendez-vous à 13h30 à la Bourse du Travail pour converger vers la marche des fiertés qui elle va partir à 14h30 place Chavanel en direction du Puy-Couriau. Pour un front uni antifasciste, on l'a vu depuis dimanche, plusieurs mobilisations à Saint-Étienne, ce fut le cas à Place du Peuple, manifestation quelque peu spontanée lundi soir, ce fut le cas à nouveau hier soir me semble-t-il. Là c'est une assemblée pour un front uni antifasciste qui est organisée ce jeudi 13 juin, c'est donc ce soir, attention si vous suivez la rediffusion, c'est à 19h à la Bourse du Travail, assemblée donc pour un front uni antifasciste. Et donc peut-être envisager quelques perspectives en termes de mobilisation et autres réflexions possibles pour tenter de faire front précisément. Assemblée pour un front uni antifasciste ce jeudi 13 juin, 19h, Bourse du Travail, salle conférence. quelques infos glanées sur le site partenaire, site participatif et collaboratif, le numéro 0, numéro0.info, où vous retrouverez pas mal d'infos, dossiers, articles et un agenda consultable également. Alors pour en reprendre quelques-uns très rapidement, c'est pour exemple, et nous parlions d'actualité syndicale, c'est le cas de la Confédération Nationale du Travail, le syndicat ANAR et Révolutionnaire, qui en son sein propose une coordination féministe en mixité sans mexis qui s'est créée à l'intérieur de cette CNT, et c'est Femmes Libres Mureres Libres qui est le nom intitulé de cette coordination féministe, un collectif stéphanois qui tient notamment des permanences et un espace d'accueil écoute, soutien, accompagnement autour des violences sexistes et patriarcales, et eh bien précisément cette coordination organise une soirée de soutien. Ce sera ce 14 juin, vendredi 14 juin, à la Gueule Noire, située 16 rue du Mont à Saint-Étienne, avec concerts, projections de divers films sur ces questions, et puis bien sûr l'occasion aussi de se restaurer sur place. Un concert avec Punk Deluxe, c'est Single Ladies qui seront en concert à partir de 21h. Ce vendredi 14 juin, donc à prix libre, à la Gueule Noire, quartier Bellevue, Saint-Étienne. Toujours sur le numéro 0, vous pourrez peut-être consulter cet article et ce rendez-vous. C'est la revue itinérante d'enquête et de critique sociale, la revue Z, qui propose un nouveau numéro et qui propose une soirée critique autour des JO, les Jeux Olympiques. C'est la sortie numéro 16 de cette revue qui va revenir donc sur le passage de la flamme, notamment à Saint-Étienne. Vous savez que c'est prévu le 22 juin prochain, et qui voilà, présente son dernier numéro intitulé « Faire corps face au jeu », une soirée de rencontres, alors de présentation bien sûr de ce nouveau numéro et de discussion, débat autour de cette question sportive. C'est ce jeudi 13 juin, c'est ce soir, c'est à partir de 19h et ce sera présenté à la MJC des Tilleuls qui est située 8 rue du Pavillon Chinois à Saint-Étienne. Les Jeux Olympiques, justement, qui relèvent d'un capitalisme de la performance qui masque les effets d'une concurrence de toutes contre toutes. Les valeurs attribuées au sport par ses promoteurs sont noyées dans le gigantisme et le star system marchand, et la démesure des Jeux percute de plein fouet les nécessités de sobriété face au dérèglement climatique et de respect dans la prise en compte des différences. Ces activités sportives mondialisées entraînent beaucoup de corruption et de chasse aux pauvres, éloignement des personnes à la rue, bénévolat et donc salariat déguisé bien souvent, bétonisation, déplacement de millions de spectateurs, spectatrices attendus, une empreinte écologique monstrueuse, souvent aussi servie sur plateau des multinationales peu scrupuleuses, véritable greenwashing. On pense à certaines marques sponsors notamment de ces manifestations. Bref, et au-delà de ces questions se pose aussi la question de la sécurité. Alors on l'a vu encore récemment avec un attentat a priori déjoué, pour exemple, à Saint-Étienne et au stade Geoffroy Guichard. En tout cas, ces JO 2024 laissent place à une surveillance de masse, le criblage, le renforcement du plan Vigipirate et autres questions associées. Et précisément sur ces questions, c'est un débat qui est organisé à Saint-Étienne avec divers collectifs et organisations, Halte au contrôle numérique, la CIMAD, le comité des travailleurs privés d'emploi et précaires de Saint-Étienne, la CNT, passons-nous. Il y aura ce débat proposé ce samedi 15 juin, ce sera proposé à 19h à l'Amicale laïque du Crédroc, 16 rue Royer à Saint-Étienne, et interviendront notamment Émilie Marche, qui est conseillère régionale et les filles, et Alexandre Chon, qui est membre du comité de vigilance JO 2024. Voilà pour ce rendez-vous stéphanois, donc, autour de la surveillance globale dans le cadre de ces JO. Je rappelle le rendez-vous, donc 19h, Amicale laïque du Crédroc, quartier Crédroc, 16 rue Royer à Saint-Étienne, ce samedi 15 juin. Et nous allons retrouver notre sujet du jour d'ici un instant, juste auparavant, les nouvelles propositions musicales et actualités musicales et discographiques notamment, avec cet album qui vient tout juste de paraître il y a quelques jours, c'était ce 7 juin, c'est le retour solo de Pete Sampras. Vous connaissez peut-être Pete pour avoir été l'ancien, frontman des Burning Heads, fameux groupe punk rock français, qui désormais sévit au sein d'autres formations, on pense à Monde de Merde ou Broken Roses, et qui aussi a sa petite aventure solo. Il avait sorti un premier album, Naked, qui était déjà un album de reprise. Il l'est à nouveau pour ce nouvel album intitulé tout simplement Covered, donc des jeux de mots très simples, puisqu'il s'agit tout simplement de diverses reprises à nouveau proposées par Pete Sampras, où on retrouve des reprises de Nancy Sinatra, de Fugazi, Tones Van Zandt, Sixto Rodriguez, Kennedy, Johnny Cash, et j'ai retenu, bah oui parce que c'est un classique, c'est la référence absolue en la matière, en matière punk j'entends, version plutôt acoustique et vous allez l'entendre arrangé à la maison en personne par Pete, c'est une reprise des Clash avec ce très bon titre Lost in the Supermarket. L'album est sorti donc le 7 juin dernier via le label Kicking Music. On écoute Pete Sampras. I'm all lost in the supermarket. Can I love a Bible? Came here for a special offer, a guaranteed personality. I was a boy, so much as I fell out, nobody seemed to notice me. We had a hitch back home in the suburbs, all of which I never could see. I heard the people leave on the ceiling, screaming, fight most scarily. Hearing that noise is my first ever feeling, it's how it's been all around me. I'm all lost in the supermarket, got a lot of chivalry. Can I leave on a special offer, guaranteed personality. I'm watching in, I see all the programs, I save coupon for brackets of tea. I've got my giant, she's got the album, I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in the halls and the pipes in the walls make the noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm all lost in the supermarket, can I not wish if I believe. I can't live on the special offer, guaranteed personality. In the supermarket, come along as your family. Came here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket, come along as your family. Came here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all lost. I'm all lost. I'm all lost. I'm all lost. I'm all lost. I'm all lost. I'm all lost. I'm all lost. Pete Sampras qui se fait plaisir et qui propose ses diverses versions et façons de revisiter quelques classiques. C'est le cas avec ce Lost in the Supermarket des Clash, bien sûr. Pete Sampras, l'album Covered, sorti ce 7 juin dernier. Des mots, des sons sensibles sur le 895 de Dio qui se poursuit avec notre sujet du jour, avec notre invité du jour, Nadia Chouyeb, qui est toujours avec nous. Resalutations à toi pour ta présence et nous présenter cette semaine spéciale démarrée depuis lundi qui va se boucler demain, mais qui intervient dans un cadre beaucoup plus global puisque menée tout au long de cette année scolaire 2023-2024, projet autour des identités et des langues qui est mené dans le cadre d'un projet Erasmus financé par l'Union Européenne, comme tu le précisais en sommaire de cette émission. Et tu interviens dans le cadre d'ateliers menés également toute cette année avec une classe de CM1-CM2 de l'école Gaspard Monge à Saint-Étienne. Raconter ses identités. Est-ce que tu peux nous représenter peut-être précisément le cadre de ton intervention et ta façon d'appréhender précisément ces questions de langue et identité au sein de l'école? Alors j'interviens tout d'abord auprès de deux classes, donc de niveau CE1, CE2, CM1, CM2. J'étais déjà intervenue il y a 2 ans au sein de cette école et on s'était très bien entendus et on voyait, et puis à chaque fois de toute façon quand j'interviens avec ces ateliers, je vois assez rapidement en fait les effets de cette intervention, même dans les corps des élèves, ça se détend. Et en fait c'est le résultat de mon parcours personnel qui a fait que j'ai proposé depuis maintenant peut-être 7 ans ces ateliers auprès de jeunes primaires, collégiens et puis adultes sur la question de la pluralité des identités en nous et prendre le temps de penser à ça, de réfléchir là-dessus et voir comment s'y prendre pour les raconter. Et c'est un vaste sujet. Donc moi, je rentre par le biais, comme je le dis, du sensible, c'est-à-dire que je propose de réfléchir à raconter cet aspect-là par les lieux qui nous touchent, qui sont importants pour nous. Si on a, si tu as, par exemple, un lieu où à chaque fois que tu y retournes, tu as l'impression d'être chez toi, ou qui te touche, les odeurs, les sons qui sont importants pour nous, toutes ces questions-là, les personnes qui nous ont construites, négativement ou positivement, des histoires fondatrices dans notre chemin de vie. En fait, c'est tout ça qu'on va essayer de convoquer, en fait, auprès des élèves, et puis, parfois des adultes. Donc c'est un parcours de réflexion d'abord, de se poser ces questions-là. J'accompagne les personnes à faire cette démarche-là et puis après poser par écrit en fait le résultat de cette réflexion. Et puis après en découle en fait plein de choses. Donc il peut y avoir des textes, il peut y avoir des enregistrements. Et ce qui m'importe le plus en fait dans la démarche finale, c'est essayer de filmer ça, parce que c'est ce que j'ai fait. Je suis maintenant réalisatrice de documentaires et c'est ce qui m'importe aussi, c'est d'essayer de trouver comment filmer ces choses-là qu'on a posées par écrit. Alors c'est un vaste programme là aussi parce que ça nous force à s'éloigner des discours tout fait, tout prêt, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir des personnes qui vont affirmer des choses, moi je suis, et puis après quand on va un peu plus profondément, justement, toi, tu es, comment tu vas le raconter, comment tu vas le filmer. Ça fait bouger, en fait, les choses. Beaucoup de fois, on fait des virages, on fait des demi-tours par rapport aux affirmations du début. Et voilà, pour arriver à quelque chose de plus profond et surtout de plus intime, de plus individuel, parce qu'on fait partie d'un tout, mais j'essaye de ramener les personnes, alors c'est un gros mot, mais à leur cœur, à ce qu'il y a dedans, intimement, profondément, individuellement. Quelle est la différence entre toi et ton frère, ta sœur, qu'est-ce qui fait que toi, t'es unique. Donc c'est un parcours qui touche beaucoup les enfants, ça touche aussi beaucoup les adultes, et c'est ce que je propose sur cette année avec les deux classes. Alors, une année bien entamée déjà, et sur cet exercice délicat et sensible, précisément, quel bilan presque tu pourrais tirer après cette année scolaire là, qui arrive justement à son terme, dans un cadre qui n'est pas aussi forcément très évident, tu le disais, de par la diversité aussi des élèves notamment présents et des origines aussi quelque part représentées sur les classes, tu le disais, de cette école Gaspard Monge, un travail qui du coup aussi est à la fois collectif, individuel, ce qui n'est pas chose toujours très simple, dans un cadre pédagogique aussi qui est donné, donc travailler en collaboration avec une équipe pédagogique, une équipe enseignante. Comment tu as opéré? Qu'est-ce qu'il en est là déjà aussi à l'issue de ces quelques mois d'intervention et de travail? Alors j'ai la très grande chance de travailler avec une équipe pédagogique très active et avec qui a beaucoup de, d'expérience. Ce sont des enseignants qui appliquent la pédagogie freinée et on voit tout de suite en fait les résultats, mais dès le CP en fait on voit la différence entre des élèves à qui on n'a pas donné les moyens de réfléchir, de s'exprimer, de s'organiser entre eux pour aboutir à un projet, et ça ils le proposent dès le CP et on voit que les enfants s'approprient en fait ce qui leur est donné, ces espaces-là, mais très rapidement, quel que soit en fait leur origine sociale, et c'est un plaisir à voir. Et donc moi j'interviens sur cette base-là, hein, déjà avec ces enseignants très actifs, et en fait très rapidement on travaille aussi à impliquer aussi les parents d'élèves. Donc dès le début de l'année on a organisé des goûters. C'était ma proposition, des goûters avec les parents, avec la condition qu'ils amènent un goûter de leur enfance. Donc ça a permis d'initier des dialogues déjà entre les enfants et les parents, parce que ben voilà, pourquoi tu as choisi ce goûter, comment et tout ça, et puis après d'avoir une raison de venir dans cette école qui peut être impressionnante pour certains parents d'élèves. Ils ont quelque chose à dire, à raconter, rien de bien énorme mais quand même très précieux, et donc voilà, et on les a prévenus déjà dès le début qu'il va y avoir des sollicitations régulières de leur connaissance, leur savoir. Ils sont un puits d'informations pour les enfants par rapport au parcours qu'on leur proposait sur cette année. Très concrètement, en fait, on voit des évolutions individuelles, enfin collectives, mais aussi il y a des exemples très précis d'élèves qui, au début de l'année, je pense à une jeune fille qui vient du Cameroun, qui a un parcours compliqué, qui n'a pas grandi avec sa maman, qui arrive en France comme ça, parachutée, qui doit apprendre à vivre avec sa maman et sa sœur qu'elle ne connaissait pas, et qui est toute perturbée, complexée de son origine, qui au début n'osait même pas regarder dans les yeux, qui n'osait pas, qui n'avait rien à dire. Et alors je vous invite à venir voir l'exposition qu'on organise donc à partir de vendredi au Méliès Saint-François. On voit son portrait et il raconte plein de choses, elle est rayonnante. On l'a, en fait, avec ce parcours-là, on l'a entendu, on l'a sollicité, vas-y, raconte-nous, dis des choses. Ça je caricature, ça se fait pas comme ça, hein. C'est vraiment par étapes et puis respect de l'enfant. Mais c'est tout un parcours qui permet de reconvoquer des choses. Ce qui m'importe, en fait, c'est convoquer des parties de nous qui ne s'expriment pas en classe. C'est-à-dire qu'on est différent, les enfants sont différents en classe, avec leurs parents, avec leurs amis, dans d'autres pays peut-être. Et c'est ce qu'on propose, c'est qu'ils ramènent ça dans le respect de qui ils sont et puis dans le respect des autres, de reconvoquer tout ça. Et en fait, ça fait un bien fou, comme je dis. Dans les corps, en fait, on le sent, ça se détend, ça se s'ancre plus. Et la parole se déroule petit à petit au fur et à mesure de l'année. Comment tu appréhendes, alors hier il y avait une journée d'études, comment tu appréhendes ce travail et ces démarches dans l'intitulé de ton intervention ou une de tes interventions hier? Je vois une démarche qui va à contre sur celle de raconter l'identité par le biais du sensible, qui va à contre ou qui contre le discours. De quoi s'agit-il exactement? Même si on l'entend et on le comprend, le discours notamment institutionnel, qui est que bien souvent l'école est celle du respect des valeurs de la République, la laïcité, donc la démarche justement identitaire, elle est aussi sensible à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est souvent une démarche d'assimilation, on va dire, avec celle de l'apprentissage de la langue, alors qu'est défendue, semble-t-il, au sein aussi du projet, précisément une approche beaucoup plus diverse et plus pluriel, celle de la diversité des langues, le plurilinguisme l'apprentissage justement des langues au sein de cette démarche particulière au sein de l'éducation nationale. Mais comment tu pourrais un petit peu resituer tout cela, toute cette démarche et ce travail? Ce qui m'importait aussi en voyant les classes en France, c'est... C'est je voyais que les instituteurs, les enseignants, les enseignantes ont quand même, sont d'origine quand même le classe moyenne, française, très peu d'origine étrangère en fait hein, dans les enseignants. Et il y a clairement, de mon point de vue, un souci là-dedans parce que il y a une peur d'appréhender ces élèves qui sont peut-être différents de nous, d'appréhender la religion musulmane, par exemple, d'appréhender d'autres langues qui ne sont pas l'anglais, parce que l'anglais, bien sûr, est le bienvenu. Tout ça, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, en fait hein? Donc, il y a une façon de ce discours dont tu parlais, c'est-à-dire de dire on est tous pareils, on est frères et sœurs, et la République française nous permet d'être égaux. Or, c'est pas le cas. Et en fait, même dans cette diversité-là, le fait de la convoquer et d'autoriser en fait les enfants à être autre chose que quelqu'un qui parle le français et qui a de bonnes notes, leur permet d'assimiler cette partie française d'eux-mêmes. Donc mes ateliers ont commencé par des discussions avec un ami enseignant qui travaillait en SECPA, avec qui voilà, on parlait des langues, des autres langues, et je l'encourageais à convoquer les langues des élèves, les langues familiales, c'est-à-dire les langues, le turc, l'arabe, leur langue maternelle. Voilà, leur langue maternelle, qui est un petit espace, juste un petit espace dans la classe où ils ont le droit d'exprimer ça, de le dire, au lieu de tout de suite, ça soit interdit, non, tu parles français, il faut parler. Et il a expérimenté ça parce qu'il a une grande ouverture d'esprit et je le salue pour cela. Et il s'est rendu compte très rapidement à quel point ça faisait du bien aux élèves, ils en étaient fiers, surtout si c'était entendu et valorisé. Ils en étaient fiers, ça leur faisait du bien, ils se sentaient mieux en classe, et du coup, ils travaillaient mieux, c'est ça, très concrètement. Et surtout, ça n'envahissait pas, ça, parce que je sais que les enseignants, ils ont peur de ça, et pas que les enseignants, c'est l'envahissement, si on ouvre cette porte-là, que ça envahisse, en fait, cette partie-là, tout le reste, et la classe, et la France, et etc. Alors qu'au contraire, en fait, c'est vraiment le message que j'aimerais faire passer, c'est que quand on ouvre, en fait, cette soupape de cette puissance, cette énergie qui ne demande qu'à s'exprimer, elle va juste prendre une juste place en fait, et va faire partie d'un tout en fait, qui est leur ben, aussi identité française pour ces élèves-là, et c'est-à-dire que quand quelqu'un se permet de parler en turc, il ne va pas tout le temps parler en turc, il va juste parler et rapporter des choses précieuses en turc à lui, et puis ça va être entendu par les autres, on va lui dire « ah oui, voilà, voilà », et puis après la vie reprend son cours, hein. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Oui, il n'y a rien de dangereux. Et est-ce que précisément l'équipe pédagogique d'abord apprécie aussi finalement les fruits de ce travail et de cette démarche, alors qu'on sait que parfois il est difficile dans cette grande maison de l'éducation nationale de faire bouger les lignes et sortir du cadre, on va dire, et des programmes et des choses assez formatées parfois. Quelle peut-être aussi l'appréciation ils ont de la démarche et du ressenti aussi même hein, au sein des classes et de l'établissement. Alors quand j'interviens au sein des classes, je suis aux aguets des enseignants avec qui je vais travailler parce que déjà ils sont sollicités. Hein, c'est pas, il y a pas que moi qui interviens. J'ai besoin du soutien actif des enseignants. Et puis ceux qui sont touchés par la démarche, ils sont déjà prêts à voir les choses autrement. Effectivement, d'intervenir dans des classes, dans d'autres modules, par exemple un module qui s'appelle « La saveur de tes langues », où là je propose aux élèves de dire les langues qui les intéressent ou qui considèrent comme étant les leurs, et puis après on travaille tout un parcours sur le lien avec le goût, l'odeur, etc. C'est quelque chose qui leur permet de s'exprimer sur les langues familiales. Là, oui, effectivement, je me suis retrouvée avec des enseignants beaucoup plus crispés dans ce cadre-là, qui ont peur, et je vois très bien, hein, c'est cette peur de plus maîtriser les choses, de plus... d'être débordé, alors que, voilà, comme dirait un des derniers élèves d'une classe auprès duquel de laquelle je suis intervenue il y a quelques temps dans ce cadre-là, en vérité, c'est très satisfaisant. Ça, c'est un bon bilan. Alors, ce projet, Raconter ses langues et ses identités, tient un temps fort toute cette semaine, hein, depuis lundi, parce que tu interviens dans le cadre de cette école, mais c'est le cas d'autres artistes, hein, et intervenantes au sein de l'école et dans le cadre de ce projet, et notamment un échange, en quelque sorte, qui est mené avec une école italienne, l'école Dino Romagnoli. C'est bien cela. Donc avec qui vous avez déjà travaillé cette année et qui sont donc là physiquement, hein, puisque l'équipe enseignante italienne est présente depuis lundi. Comment se passe aussi ce travail d'échange avec l'Italie voisine? Alors comme je l'ai dit, c'est un financement. On avait monté un dossier Erasmus+. Donc c'est un dispositif qui permet des échanges en fait européens auprès des professionnels dans le cadre de l'enseignement, par exemple, et donc était conditionné pour avoir les financements, d'avoir aussi un partenaire. Donc, on a trouvé ce partenaire, donc, qui est l'école Dino Romagnoli à Bologne. Et c'est une école qui ressemble à celle de la nôtre. Je dis la nôtre. Et donc, voilà, dans un quartier populaire à Bologne, avec une diversité d'origine des élèves et avec des instituteurs actifs auprès de leurs élèves. Donc, on a déjà travaillé en échange sur toute l'année et les enseignants français sont partis à Bologne et moi je suis partie à Bologne donc au printemps et donc les enseignants italiens sont venus là pour cette semaine pour voir un petit peu comment fonctionne l'école, comment est appliquée la pédagogie freinée dans les classes. Il y a beaucoup d'enseignements à récupérer là et puis aussi vendredi participer à la restitution finale de tout le projet qui aura lieu à cette occasion. L'équipe italienne, enseignante italienne, est aussi sur une approche pédagogique alternative ? Non, ils sont pas, ils sont pas alternatifs, mais ils s'organisent et ils s'adaptent à la situation qui n'est pas simple non plus de leur côté par rapport à la population et les moyens qu'ils ont pour les accompagner. Et concrètement, vous êtes donc partis là-bas, ils sont là cette semaine. Sur quoi a reposé concrètement aussi cet échange et cette rencontre ? Cette rencontre, c'est sur les techniques en fait pédagogiques. De comment ça fonctionne. Et puis ils ont aussi un partenaire artistique qui s'appelle la compagnie Laminarie et qui intervient en fait, qui a ses locaux qui sont juste à côté de l'école primaire à Bologne. Et eux aussi, ils ont fait une approche en fait de cette question de l'identité. Donc moi, je la raconte par le biais du sensible. Eux, ils la racontent. Laminarie la raconte par le biais du géographique, c'est-à-dire comment habiter son espace, comment habiter son quartier. Donc ils ont cette approche-là, ils ont une grande expertise dans ce domaine de la carte sensible, c'est-à-dire comment qualifier les différentes parties du quartier, celles que j'aime, celles que j'aime pas. Après, ils ont tout un processus, ils ont accompagné les élèves de leur côté là-dessus, sur cette approche-là de l'identité, la diversité des identités. Alors si j'ai bien saisi, la compagnie en tant que telle est représenté aussi cette semaine. Oui, il y aurait deux membres de la compagnie Limanieri qui sont ici, 5 enseignants enseignantes de l'école Dino Romagnoli de Bologne jusqu'à ce 15 juin, donc afin d'échanger aussi et partager ses démarches, ses connaissances avec aussi les équipes ici françaises de l'école Gaspard Monge et donc des artistes tels que toi Nadia qui intervient dans ce cadre-là. Alors on va revenir sur le programme attendu encore cette fin de semaine, il y a d'autres temps forts aujourd'hui, demain. Je propose simplement, parce que tu nous l'as proposé et présenté, justement, hein, une expérience qui est menée au sein de l'école Gaspard Monge, et tu as évoqué précisément l'élément audio-sonore qui est important dans ce travail et cette démarche. Et précisément, c'est une enseignante, je crois, de l'école qui mène un projet radio scolaire. Tout à fait, oui. Nadège Duzinski, qui depuis 2 ans, il me semble, a mis en place une radio à l'école. Et on voit tout de suite, en fait, les élèves qui ont l'habitude d'intervenir en radio. Ils ont plus d'aisance au micro. Et voilà, donc ça fait partie de leur projet, ces petites interviews autogérées, responsables, enfin, voilà, qui sont réalisées par les élèves, donc même du CP, hein, qui sortent s'organisent, qui préparent ça et qui présentent là ce qu'on va entendre. Donc c'est dans le cadre de la semaine de la langue, donc c'est cette semaine-ci. Ils proposent différents modules autour des langues, la diversité des langues de leur école. C'est parfait, on a nos correspondants et nos reporters en herbe sur place pour couvrir l'événement. Ils ont réalisé ça entre hier et avant-hier, hein, avec précisément l'équipe enseignante italienne, pour exemple, que l'on va retrouver et entendre au travers de cette émission et donc de cette radio scolaire au sein de l'école Gaspard Monge. C'est Radio Pipelette, c'est très bienvenu et on écoute ça. C'est un petit module, là vous allez entendre reportage, enfin extrait sonore et plus d'environ 8 minutes. C'est parti. Benvenuti alla Radio Pipelette, c'est la numéro spéciale des Semaines des Langues. Et maintenant, on fait des présentations des volontaires. Bonjour, je m'appelle Imran, j'ai 10 ans, je suis en CM1 et je suis dans la classe d'Estelle. Bonjour, je m'appelle Jemima, j'ai 10 ans et je suis dans la classe de Hélène. Bonjour, je m'appelle Marwa, j'ai 8 ans et je suis en CE2. Bonjour, je m'appelle Aldia, j'ai 8 ans et je suis dans la classe d'Estelle. Bonjour, je m'appelle O'Brien, je suis dans la classe de Romain et Margot et j'ai 8 ans et je suis en CE2. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 8 ans et je suis dans la classe de Laetitia. Bonjour, je m'appelle Tasnim, je suis en CE1, je suis dans la classe de Laetitia, j'ai 7 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Corentin, j'ai 9 ans. Je suis dans la classe d'Estelle en CE2 et je serai le technicien. Bonjour, je m'appelle Manel, j'ai 12 ans et je suis dans la classe d'Estelle. On passe à Imran pour les informations. Vendredi 14 juin à 18h, il y aura la chorale. À 19h, il y aura le repas international. N'oubliez pas vos couverts, vos gobelets, vos assiettes et bien sûr vos spécialités. Et maintenant, les invités surprises vont se présenter. Giorno, io mi chiamo Nicola. Bonjour, je m'appelle Nicola. Buongiorno, mi chiamo Laura. Je m'appelle Laura. Ciao a tutti, io mi chiamo Giulia. Je m'appelle Giulia. Buongiorno, io mi chiamo Chiara. Je m'appelle Chiara. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes professeurs d'une école élémentaire italienne, siamo insegnanti di una scuola elementare italiana. Nous sommes en visite pour connaître l'école et échanger notre expérience avec vos professeurs et aussi les élèves. Siamo quindi in visita per scambiare le nostre esperienze e conoscere la vostra scuola. D'où vous venez? Allora, noi quattro insegniamo in una scuola a Bologna e anche se poi abbiamo tutti provenienze diverse. Io sono nata a Trieste, Chiara è nata cattolica, Giulia è nata a Castelguelfo e Nicola è nato a Perugia. Poi ci siamo trovati tutti a Bologna, insegniamo in due classi diverse, due terze, con bambini di 8 anni. Ils viennent de Bologne e ils sont nés dans quatre villes différentes. Perugia. Trieste, Castelguelfo, Cattolica. Et ils ont des élèves de CE2. Qu'est-ce que vous avez aimé faire dans l'école? Et nella vostra scuola ci è piaciuto vedere come lavorate con i vostri maestri e anche da soli a piccoli gruppi. Ci è piaciuto scambiare delle informazioni con i vostri maestri e con voi e la radio ovviamente bellissima. Ils ont bien aimé le travail de groupe et ils ont bien aimé la radio et comment les élèves travaillent avec les professeurs. Est-ce que c'est vrai que la pizza est un plat traditionnel en Italie? Sì, la pizza è uno dei piatti tradizionali insieme a tanti altri. L'Italia, penso come la Francia, ha una cucina molto ricca. Ci sono anche le lasagne, il tiramisù e tanti altri piatti. Oui, la pizza è un dei plats traditionnels en Italie, come le tiramisù e le lasagne, e che la France aussi. C'est pareil en France, on a aussi beaucoup de plats traditionnels. Et maintenant, Jemima pour sa présentation en brésilien. Un, on dit un, deux, dois, trois, três, quatre, quatro, cinq, cinco, six, seis, sept, sept, huit, oito, neuf, nove, dix, dez. Et maintenant, Marwa et Alia pour leur présentation en italien. Le chat, c'est il gatto. Le panda, c'est il panda. Le lapin, c'est il coniglio. Le papillon, c'est la farfalla. Le chien, c'est il cane. Et maintenant, O'Brien pour sa présentation sur l'Ukraine. Je vais vous présenter le pays où je viens. L'Ukraine se situe à côté de la Russie et la Roumanie, l'Hongrie, la Slovaquie, la Pologne et la Biélorussie. Superficie, 603 700 kilomètres carrés. 44 millions d'habitants. En 2018, comme la capitale Kiev, le président est Vladimir Zelensky. Officiel, c'est soit l'ukrainien, soit le russe. Moi, je parle russe. Le drapeau est bleu et jaune. Ça représente le champ de blé et le ciel bleu. Et maintenant, Yasmine et Tasnim pour leur chanson en portugais. Jogo da Marilinha, la linha nova bizarre, peut-être peut fora, et c'est peut nova errar. Jogo da Marilinha, et pra menina pula, cuidado pra non errar, que a vida curta menina et nada se va levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser, lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. È finita. Grazie di aver ascoltato la Radio Piplet. Arrivederci! Ciao, ciao a tutti! Ciao! Ciao Giorgi! Ciao, ciao! Bye bye! Au revoir! Bye bye! Au revoir! N'oubliez pas les coucous! Adios, amigos! Winda! Slema! Slema! Slema! Bien voilà, Radio Piplette de Gaspard Monge sur Radio Dio 89.5. Cartographie sensible, un peu comme tu le disais. On a voyagé là entre Brésil, Italie, Ukraine, sur cette question sensible de l'identité. En effet, et on voit ô combien aussi il s'agit de célébrer les identités, la multiplicité, la diversité dans nos pays respectifs d'ailleurs, que ce soit Italie ou France, qui parfois ont d'autres façon d'envisager les choses, mais les réalités aussi de nos nations et de nos pays finalement sont aussi celles-ci. Nadia, ce projet va se boucler cette fin de semaine, on est presque aussi à l'issue de cette année scolaire. Petit justement points et présentations du programme attendu, parce que j'imagine que ce n'est pas, comment dire, en vase clos au sein de l'école uniquement, mais ouvert au grand public pour les temps à venir. Alors ce projet a été mené par différents enseignants, comme je le disais. Donc il y avait le projet raconter ses identités auprès de deux classes, mais aussi raconter ses langues. Donc c'est le deuxième volet qui a été mené par des enseignants plus du CP, CE1, CE2. Et dans ce cadre-là, il y avait la création d'un kamishibai multilingue avec l'intervention d'une illustratrice stéphanoise bien connue qui s'appelle Véronique Vernette, qui les a accompagnés sur l'année à la création de ce kamishibai. Le kamishibai, pour présenter, alors kamishibai rapidement, japonais, oui, effectivement, enfin, je dis comme si tout le monde savait, moi je savais pas trop non plus au début. C'est en fait ce dispositif de petit théâtre en bois d'origine japonaise où on insère, en fait c'est un cadre en bois où on insère des illustrations, et à l'arrière on est positionné à l'arrière de ce cadre là où sont écrites des phrases, et donc il y a le récit qu'on va lire, et puis on montre en même temps les images. On vient illustrer, petit théâtre animé. Voilà, donc qui a été réalisé par les élèves donc, et qui a remporté le prix national du kamishibai sur ce thème là là. Donc il y a une classe qui aujourd'hui de Gaspard Monge qui part à Paris recevoir le prix, mais tout le monde n'a pas pu se financer ce déplacement. Donc les autres classes vont être au Méliès Saint-François pour assister à la remise du prix. En visioconférence. Voilà, tout à fait. Et donc demain, ça sera vraiment la clôture avec une chorale plurilingue qui était organisée aussi par les enseignants. Et puis l'ouverture de l'exposition que j'ai mis en place avec les élèves, qui sera aussi au Méliès Saint-François. Ça sera plus réservé aux parents, en fait, hein, des élèves. Donc c'est une exposition des portraits des élèves avec des objets importants pour eux, avec des textes qu'ils ont écrits pour raconter pourquoi ils ont choisi tel objet, et puis une bande-son qui vient souligner aussi, voilà, la diversité, en fait, la fluidité de tout cela, en fait, hein. Plus on se détend, plus c'est tranquille, en fait, cette diversité. Donc c'est ouvert à l'école, mais en même temps, si le public, grand public, se rend sur le Méliès Saint-François, par exemple, demain après-midi ou fin de journée, il peut tout à fait apprécier l'exposition est installée. Tout à fait, vous êtes grandement invité. Donc elle est ouverte à partir de demain 14 jusqu'au 26 juin. Ah bah voilà, donc elle sera visible sur place. Tout à fait. Pour ces 43 portraits que tu as donc proposés et qui composent cette exposition. Et puis, demain soir, à nouveau, alors là ce sera vraiment au sein de l'école et de l'établissement Gaspard Monge, c'est un repas international qui est proposé en soirée. C'est fait chaque année, ils ont eu cette belle idée il y a plusieurs années, et c'est un moment merveilleux, en fait, parce que tous les parents, toutes les familles apportent un plat avec grande fierté de présenter leur plat, et c'est encore une façon de découvrir l'autre à travers l'art culinaire. Merci beaucoup Nadia. Merci. Bonne, en tout cas, fin de semaine et fin de projet. Est-ce que tu vas réitérer la chose l'an prochain au même établissement, ou est-ce que tu vas intervenir par ailleurs ? Tout dépend des financements, c'est le nerf de la guerre. En tout cas, merci de m'avoir accueilli dans les studios de Radio Dio. C'est un grand plaisir. Et ben, avec plaisir partagé. Merci Nadia, merci Nadège Duzinski, l'enseignante aussi qui réalise ce projet radio Pipelette. Et puis on va remercier même l'ensemble de l'équipe pédagogique, finalement, parents d'élèves et autres mobilisés aussi et engagés au sein de cet établissement Gaspard Monge à Saint-Étienne pour cette semaine spéciale autour des langues et des identités. Merci encore. Quelques infos très rapides pour boucler ce programme des mots, des sons sensibles. On y revient toujours et encore. Le monde d'après s'affiche. Voilà, ça c'est Zach Deloupi, l'auteur BD stéphanois, dessinateur en tout cas, qui lui a proposé et propose une exposition depuis ce 11 juin. C'était mardi soir le vernissage de cette expo. C'est dans le cadre du festival Résonance pour cette expo qui est visible jusqu'au 30 juin prochain. C'est un peu partout dans la ville de la Ricamarie et également au sein de la médiathèque Jules Verne. Le monde d'après s'affiche. Voilà pour cette expo actuelle sous donc les traits de Deloupi. Et bien voilà, le monde quelque part d'aujourd'hui et peut-être bien de demain. Voilà, des grands formats affichés dans la ville, des dessins originaux exposés dans la galerie de la médiathèque. N'hésitez pas donc à vous rendre du côté de la médiathèque Jules Verne de la Ricamari. Je note simplement dans l'agenda aussi et dans le cadre de cette expo, une balade dans la ville avec l'auteur, avec Deloupi, et échange autour des affiches. Ce sera mercredi 19 juin prochain. Vous pouvez noter le rendez-vous. Ce sera à 14h. Rendez-vous à la médiathèque en tant que telle. Très rapide, je vous rappelle que c'est aujourd'hui que s'ouvre l'anniversaire du Parc du Pilat qui fête ses 50 ans. Alors ça va se dérouler en partie jusqu'au 7 juillet prochain avec un temps fort ce week-end du 13 au 16 juin dans les Monts du Pilat avec expositions, conférences, balades nocturnes proposées, balades urbaines et plutôt campagnardes également. En tout cas, tout un ensemble de propositions faites dans le cadre de cet anniversaire qui va courir donc jusqu'à la fin de cette année anniversaire, hein, 74-2024. N'hésitez pas à vous rendre sur le site dédié parc-naturel-pila.fr pour avoir donc la programmation en détail. Si on parle d'environnement ou d'écologie, pourquoi pas, et vous rappeler, cela a fait l'objet de l'émission de ce début de semaine, Vélorussion à l'assaut du Gier, c'est ce dimanche 16 juin, on vous rappelle le rendez-vous, c'est à partir de 9h pour cette convergence à vélo vers Rive de Gier afin de demander la réalisation de la véloroute des confluences entre Loire et Rhône. Plusieurs départs prévus pour cette 7e édition à l'assaut du Gier, départ de Vienne, de Lyon, de Givors, de Mornan, de Saint-Étienne, ce sera à 10h à l'hôtel de la Métropole, avenue Gruner à Saint-Étienne et puis d'autres départs encore prévus des communes environnantes. N'hésitez pas à aller sur le site aussi vélo.fr, l'association qui bien sûr co-organise et participe à cette Vélorussion de ce dimanche. Et puis pas mal d'autres choses encore cette fin de semaine, activités culturelles intenses en ce mois de juin et fin de semaine avec l'exposition de Petit Béton, c'est l'expo de Ella et Pitre, le fameux duo stéphanois, avec le vernissage de cette expo prévu ce 14 juin, c'est à 18h, c'est à l'atelier Marie-Louise qui est situé 8 rue des Creuses à Saint-Étienne, expo visible jusqu'au 20 septembre prochain. Et puis des concerts avec pour exemple à la Cale ce 13 juin, Fantôme Josepha, Pied Gauche, Borgue Foule, c'est aujourd'hui, ce soir à partir de 19h à l'Amicale Laïque du Cred Rock. Il y a également Fragile Figure, La Heimlich Bildung, c'est toujours à la Cale, c'est cette fois pour ce samedi à 20h30. Et puis rappelons la scène ouverte ce vendredi 14 juin, clôture de saison, et oui, on a en fin de saison pour bon nombre de structures culturelles. C'est le cas pour les théâtres stéphanois et notamment le Choc Théâtre qui clore sa saison et boucle avec une scène ouverte. C'est gratuit, le thème est libre et voilà, c'est une scène ouverte donc sur laquelle vous pouvez aussi aller vous produire, pourquoi pas, et présenter sous quelle forme que vous le souhaitez cette thématique de la liberté. C'est à partir de 20h, c'est au Choc Théâtre, on le rappelle, quartier Saint-François à Saint-Étienne. Et puis le festival La Rue des Artistes va s'ouvrir du 14 au 16 juin avec Julian Marleff, Effé, Massi La Sound System, Soviet Suprême et j'en passe. Ça se passe à Saint-Chamond, bien sûr, Parc Nelson Mandela pour cette nouvelle édition. On va terminer sur ces infos. L'agenda est chargé, petite sélection rapide faite par nos soins. Je vous propose de terminer en musique en guise de générique de fin avec précisément l'autre découverte partenariat Ferrarock cette semaine. C'est signé chez Chinese Man Records. Et pour une bonne raison, c'est qu'un des membres de Chinese Man, Matteo en l'occurrence, a pas mal accompagné et soutient cet artiste et notamment cette chanteuse qui nous vient de Belgique. Il s'agit d'Isadora, qui est chanteuse, compositrice et pianiste, qui a sorti il y a quelques semaines de cela, c'était le 19 avril, l'album Sink or Swim chez Chinese Man Records. Je vous propose de terminer là-dessus, donc en chanson avec Isadora et son titre Sink or Swim, précisément. C'est la 6e plage qui donne le titre de cet opus. Tout bon chez vous, portez-vous très bien. On se retrouve début semaine prochaine. Lundi, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye. I close my eyes. No sound. Will anybody wanna stick around? I try and try again. Seems like everywhere I go I can find my road. I smile, I lie. I'm right there, but I would like to run and hide behind closed door. Hell's got nothing on what I'm feeling deep inside. I'm still learning how to calm. And I know love can be fair. I'm just an empty room, black and white. Focus on the little night. Cause I know I need you. Hold your breath, it's time to dive. See you on the other side.